harmonie. Ne tombe pas comme la pluie, tombe en Amazonie. Tant pis, le corps en harmonie, mon style j'approfondis. Mes rimes j'étale avec parcimonie sur la mélodie. Tu sais comment c'est, mec, j'ai commencé petit. Maintenant j'ai grandi, et le micro je brandis pour les foules. Qu'est-ce que t'en dis? Je me défoule tous les jours de la semaine comme un samedi. Ouais. Mon seuil d'être impatient, chaque chose en 100 ans. Même si je dois avoir 100 ans, j'irai au bout de mes rêves. Là, je grève, me dis le système, donc je grève pas. Franchis les étapes, m'adapte à l'aide du système. Mais mec, t'inquiète pas, j'ai appris sur le tas, fais le tri dans le tas pour ne pas finir tout en bas. Pas de panique, reste pas statique. Move aussi souvent que tu trouves le temps. Sois élastique. Comme un Valium, j'étouffe mal. Il faut que mes pensées s'évadent. S'envolent les plans, flan, fly. Bon, bye, bye, bye. Il est déjà 3h du mat. J'ai des frissons. Je rentre dans le sang, fais mon apparition show. Sur le beat, j'explose comme un style de dynamite. Steam, ping, pong ou flow. Je m'adapte à toutes les sauces. Ouais, je sais que pour les pattes. 4, 5, 6 heures du mat jusqu'à l'aurore. Je m'endors. Je me lève le matin. Si j'ai dit le matin, c'est parce que ça fait bien. Mais c'est déjà 2h et ça fait rien. Je m'allume une clope. Paraît que ça cause des crises cardiaques. Mais je m'en tape. Trop de gens claquent sans même toucher la cigarette. Bon, tant pis, c'est lundi, j'arrête. Car la fumée ne sort plus de mes poumons, mais de ma tête. Quand je pense à ma vie sur une assiette, le plat du jour, le rap, ma nourriture, ma seule issue de secours à leur stress. Dans un truc, les business, ça me laisse, ils ne blessent pas. C'est le temps que je vise, caisse. T'arrives pas figé quand je prends le mic et le test. Sinon, je te blesse, toi. Pas de panique, reste pas statique. Move.